T'as un problème, Skip. Si t'as un problème, tu sais qu'ici, bah, tu fais appel au doc. Quand on parle de Lucifer, faut pas tenter de le rouler. Il est exclu de l'enfer. Même Satan peut pas le blairer. Il a le visage masqué et un creux de taré. Ceux qui l'ont connu disent qu'il sort de l'HP. Il y a beaucoup de rumeurs et très peu de certitudes autour de ce docteur à la sordide attitude. Le coin de sa rue lui suffit, il s'en fout du territoire. Son repère, une pharmacie installée tout près d'un bar. C'est un alcoolique notoire, à l'esprit embué, mais tente pas de l'arnaquer ou tu crèveras sur le trottoir. Il peut te faire une avance, va te prêter du blé. Fais attention à tes dépenses, faut penser à le rembourser. Il est compréhensif, mais faut pas le prendre pour un con. Ligoté à l'adhésif, t'es torturé dans ta maison. Son dette n'est pas gratuite, ça équivaut à un pacte. Tu comprends juste ton acte, sans penser à la suite. Il se charge de te le rappeler, t'as fait appel à lui. T'es maintenant en danger comme un convé en Roumanie. Tu veux voir ton ex morte, bah fais appel au doc. Tu veux une bonne escorte, bah fais appel au doc. La vodka frelatée, bah fais appel au doc. De l'arabe à couper, bah fais appel au doc. Il ne fait pas partie d'un camp, chef de sa propre équipe. On le surnomme Satan, de Québec à la Belgique. Il n'oublie jamais rien et est très rancunier. Au bout d'une chaîne, un chien pour partir te chasser. Ses indics sont partout, pire que si c'était la BAC. Les athlètes un peu fous dans le style contre schnack. Ça tombe dans l'illégal, ses pratiques terrifiantes. Inspiré du métal, une musique indécente. En bon réalisateur, de Snow Movie. T'es la victime du docteur, première partie. Il te fournit l'amour, la drogue et puis la mort. Tes cadavres dans un four, c'est bien cuit que tu ressors. Pour toi il pose un 16, t'as pas de quoi être fier. S'il t'appelle Lopez, c'est Tony ton adversaire. Il t'enterre dans le Montana, aucune chance de te retrouver. On joue pas à la mafia, même dans 80 outrés. Tu veux voir ton ex morte? Bah fais appel au doc. Tu veux une bonne escorte? Bah fais appel au doc. La boîte à frelater? Bah fais appel au doc. De l'arabe à couper? Bah fais appel au doc. Incendie criminel? Bah fais appel au doc. Un massacre en scalpel? Bah fais appel au doc. Un corps doit disparaître? Bah fais appel au doc. Se débarrasser d'un traître? Bah fais appel au doc. Tu veux voir ton ex morte? Bah fais appel au doc. Tu veux une bonne escorte? Bah fais appel au doc. La vodka frelatée, bah fais appel au doc. De l'arabe à couper, bah fais appel au doc. Incendie criminel, bah fais appel au doc. Un massacre en scalpel, bah fais appel au doc. Un corps doit disparaître, bah fais appel au doc. Se débarrasser d'un traître, bah fais appel au doc.